Just feel so isolated. Am I winning? Do you Le groupe norvégien Fatal Fusion s'est tiré de leur album Total Absence, c'est leur plus récent. C'est leur troisième album en carrière, paru en 2016. Mais juste avant, ce qui avait débuté le bloc musical, c'était le groupe espagnol El Tubo Elástico, tiré de Impala. C'est leur plus récent, paru en 2018, leur second album, et c'était la pièce Ingravido. Alors ça, c'est l'excellent choix musical de Bruno. Puis ça se poursuit. Au retour, il va avoir le groupe suédois Agusa, tiré de leur troisième album, est paru l'an dernier, il y a deux ans. Agusa, excellent disque, troisième, comme je le disais. Et après ça, il y aura Cellar Noise aussi de l'Italie, un groupe qu'on a eu la chance de voir au Festival Terra Incognita l'an dernier. Leur premier album, A Light, excellent. Mais ça s'en vient, mais ça va être après les pauses. On a une petite, des petites messages d'intérêt public et au retour, Agusa de la Suède. CKRL. Particules sonores. Fragments de bruit. Au début, il y a eu le son. Gaétan Gosselin explore l'univers fascinant de l'art audio avec les artistes dont la matière première est le son. La Croche-Oreille, une présentation d'Avatar, le centre d'artistes en art audio et électronique. Les dimanches à 21h. Une idée originale de Jean-Pierre Gay. It's a hard rain, they're gonna fall. Depuis plus de 50 ans, Bob Dylan incarne le folk d'Amérique dans toute sa grandeur. Je vous invite à le découvrir sous toutes ses paroles, quatre émissions durant, en compagnie d'un connaisseur passionné, Pierre Sarteau-Blanchard, les mardis 26 janvier, 26 février, 26 mars, 30 avril, à 19h30, bien sûr à l'émission Folk d'Amérique, animée par... Moi-même, Gilles Chaumel, sur les ondes de CKRL. And it's a hard rains are gonna fall.

Outside the world, there sounds. l'excellent groupe canadien Monarch Trail, tiré de leur premier album Sky. C'était la pièce Luminescence. Juste avant, il y avait eu de l'Italie Cellar Noise, tiré de leur premier album Light, la pièce Temple. Et on avait eu Agusa de la Suède, tiré de l'album Agusa. Et ça, c'est vraiment excellent. Très, très bon choix musical, mon cher Bruno. Alors, on y va avec une pause et puis on vous revient pour un petit micro pour vous présenter le troisième bloc musical. CKRL. Votre radio vous suit partout. Téléchargez l'application de l'Association des radios communautaires du Québec et écoutez les stations de partout en province. Les radios communautaires, écoutez-les, découvrez-les. Disponible pour Android et iPhone. Maintenant sur Saint-Joseph, la mythique et renommée salle de spectacle Le Dauteuil présente en supplémentaire jusqu'au samedi le 26 janvier, Silence. Silence revisite l'univers de Pink Floyd. Les anciens membres du groupe, dont Éric Brassard, chanteur-guitariste de la mouture originale, nous feront revivre les émotions de l'expérience artistique Pink Floyd. Billets en vente à la porte au 228 rue Saint-Joseph-Est ou en ligne sur ledauteuil.ca. De retour à l'émission Terrain Incognita avec Bruno et Marc pour une autre heure encore de bon rock progressif. Pour le prochain bloc musical, Bruno nous a concocté un bloc italien, on n'est pas surpris, avec à l'honneur Andrea Orlando et Ost Sonaten, donc Fabio Zuffanti. Mais ça nous donne l'occasion de parler justement de ces artistes qu'on pourra voir à Québec lors du festival Terrain Incognita. Ça sera le 19. Pour leur part, le 19 mai au Centre d'art La Chapelle. Cette même journée-là, il y aura Fido également des États-Unis. Là, eux, ils sont près une dizaine de musiciens sur scène. Là, ça vaut vraiment la peine d'être vu. Et également, il y aura Inner Space de Montréal cette journée-là. La veille, il y a des Suédois, des Norvégiens plutôt, qui sont là avec Airbag. Également Basta de l'Italie et Iz, le groupe américain Iz, qui feront justement le lancement d'un nouvel album à cette occasion-là. Et le vendredi, les Norvégiens de Oak et Bjorn Riss. Alors ça, c'est le 17, 18 et 19 mai prochain au Centre d'art La Chapelle, Festival Terrain Incognita, 15e année. 15e édition, c'est impressionnant. Donc on ira avec Andrea Orlando de son album De la Vita Authentica, la pièce titre, et de Ost Sonaten de Winter True, on aura la pièce Rain Sweet. Notte che porti i miei sogni d'inchiostro, resta sospesa in un'aura di vento, ti prego non mi svegliare. Fammi conoscere la vita autentica. le groupe italien Ost Sonatine, composition du génie musical Fabio Zuffanti. Fabio Zuffanti qu'on pourra voir cette année au festival Terra Incognita. Et il sera là avec le groupe Finistère. Finistère, donc le 19 mai prochain. Au Centre d'art de la Chapelle. Là, ça, c'était de Ost Sonatine tiré de Winter Through, la pièce Rain Suite. Et il y avait eu Andrea Orlando, qui est batteur et qui sera là justement avec Finistère, avec Fabio Zuffanti au festival. C'était vraiment un excellent choix musical, Bruno. Et ça se poursuit d'ailleurs avec Fido, tiré de Infernal, le plus récent, la pièce From Hydrogen to Love, Fido, qui seront là le samedi. Le dimanche, je veux dire, également. La même journée, oui, que Finistère. Et ensuite, il y aura Giorgio. Ça, c'est vraiment une belle réédition là, des trois premiers essais là, de Giorgio. C'est paru en 2018 aussi. Il y aura la pièce UK Original. Et on aura après ça, pour faire une transition avec l'autoroute, Hawkwind. Et on vous revient pour un petit mot de la fin. CKRL. Le mois multi, ça le dit. C'est 6 semaines d'art multi. Audacieux, immersif, inspirant et pour tous les âges. Le mois multi, c'est plus de 30 jours de festivités regroupant 60 artistes de 6 pays, c'est 19 spectacles de performance hors du commun, 12 installations technologiques gratuites et 6 nuits endiablées à la cuisine. The sound goes way back. Prépare-toi, Québec. Le mois multi éveille tes sens du 24 janvier au 3 mars. Des mots pour l'entendre. Ici Ariane Lehoux. Production Rhizome s'invite à Première Loge. Entrevues, lectures poétiques, performances, poésie sonore, actualité événementielle littéraire. Une matière en appelle une autre. Première Loge édition Rhizome met en onde la littérature vivante, donne un second souffle à des archives sonores d'ici et d'ailleurs. Visuel sonore. Chaque mercredi, entre 15h30 et 16h. Cocoon. Now's the time to suffer loudly. There's no shelter from the truth. There's no shelter from the truth. There's no shelter. We'll be right back.